Nine par André Theuriet. Chapitre 1er. Nous soupions entre vieux amis, un soir de Noël, et la chaude influence d'un courton exquis nous avait tous mis dans cette disposition d'esprit où l'on devient sentimentalement un rétrospectif et où chacun évoque avec une indulgence émue les souvenirs de la 20e année. C'est, dit Urbain Lachapelle, l'âge où l'on commet les plus odieuses gaffes et où l'on en souffre le plus atrocement. Mais le souvenir est un magicien qui change le plombil en or et poétise les plus plates réalités. Pour mon compte, maintenant que je frôle la 60aine, lorsque je regarde en arrière, je me commémore avec un mélancolique attendrissement le plus piteux incident de ma première jeunesse. J'avais 20 ans et j'étais second clerc chez maître Boblic, notaire à Viotte. Très sensible, mais dissimulant mal ma sensibilité sous un masque de crânerie sceptique, ne sachant rien de la vie et fort novice en toute chose, je ne possédais pas moins un bon fond de présomption et me croyais capable de me pousser avantageusement dans le monde à force d'aplomb et d'énergie. Je professais une grande admiration pour Stendhal, qui commençait à devenir à la mode. La Chartreuse de Parme, Le Rouge et le Noir étaient mes livres de chevet, et j'épuisais dévotement ma règle de conduite. Dans les premiers jours de décembre 1854, mon patron, auquel mon bagout de doctrinaire et ma belle assurance avaient sans doute jeté de la poudre aux yeux, m'expédia à Saint-Gengoux en Argonne pour y remplir une mission de confiance. Il s'agissait de s'aboucher avec un hobereau du canton, un monsieur de Nonsard, aux trois quarts ruiné, et forcé d'aliéner ses bois pour rembourser des créanciers. Je devais le circonvenir adroitement et lui démontrer qu'au lieu de passer par les mains des marchands de biens, il avait intérêt à s'entendre à l'amiable avec un acquéreur sérieux qui ne lésinerait pas sur le prix et paierait comptant. Pour motiver mon séjour de quelques semaines dans ce bourg perdu au fond de l'Argonne, on m'avait conseillé de prétexter une visite chez une vieille parente, amie de ma famille, Mademoiselle Desanchardin, qui demeurait non loin de Saint-Gengoux. Très fier de la confiance de maître Boblic, je ne doutais pas d'avoir tout ce qu'il fallait pour la justifier. Aussi, tandis que le courrier me trimbalait sur les routes, je m'étudiais d'avance à me donner les airs graves et mystérieux d'un diplomate impénétrable. Vers midi, le courrier me déposa devant l'auberge du Grand Cerf où je comptais m'installer. Sur le seuil, je fus accueilli par la veuve Guéniaud, qui gérait la maison avec ses deux filles et qui m'introduisit dans la cuisine où flambait un bon feu. J'expliquai brièvement à l'hôtesse que je désirais être pour quelques semaines son pensionnaire. Elle parut enchantée de cette aubaine, car en hiver les voyageurs étaient rares. « Cela tombe bien, me dit-elle. La plus belle chambre est libre et vous y serez comme un coq en pâte. Naturellement, vous prendrez vos repas avec ces messieurs de la table d'hôte, le nouveau notaire, le garde général et M. Cagedenier, le marchand de bois. Vous n'aurez qu'à vous louer de leur société. La pension est de 5 francs par jour, logement et services compris. Pour ce qui est de la cuisine, sans me flatter, vous vous en lécherez les doigts, et vous allez tout de suite en juger, car le déjeuner est prêt. » J'écoutais distraitement le bavardage de la bonne dame. Mon attention s'était tout d'abord fixée sur les deux filles de la maison affairées à surveiller un cuisseau de chevreuil qui rôtissait à la broche devant l'âtre brasillant. Mon regard glissa rapidement sur l'aînée, grande et maigre, déjà mûre, qui s'appelait Clémence, et que les familiers de l'hôtel, renouvelant une plaisanterie banale, avait surnommé « Vertu des rois ». Mais je m'arrêtai plus complaisamment à contempler la cadette, qui était vraiment jolie. Svelte, agréablement tournée, mise avec une certaine coquetterie, elle touchait à ses 18 ans. Un teint mat, d'abondants cheveux bruns, une bouche mignonne, des yeux noirs luisants sous des cils prudemment baissés, la faisaient ressembler à une petite madone très séduisante. La veuve, s'apercevant de ma distraction, reprit avec volubilité « Mais vous souhaitez sans doute voir votre chambre ?»« Nine, ajouta-t-elle en s'adressant à la cadette, conduis monsieur au numéro 2 et montre-lui les êtres tandis qu'on montra les bagages. » La plus belle chambre, tapissée d'un affreux papier chocolat, avait une physionomie médiocrement hospitalière et confortable. Mais les allées et venues de la jeune fille garnissant de linge la table de toilette mettaient comme un rayon de soleil à travers cette pièce maussade. Je suivais des yeux ses mouvements légers et souples. J'admirais ses airs de vierge un peu sournoise, ses vifs yeux noirs, et je grillais d'engager la conversation. Quand elle eut achevé ses rangements, je murmurai enfin. « Merci, mademoiselle. »« Pardon, j'ai oublié votre petit nom ?» Elle répondit en baissant ses cils. « Nin. »« Nin, un joli prénom. »« Ce n'est pas tout à fait le mien. » De vrai, je m'appelle Nanine, mais chez nous, on dit Nine, pour abréger. » Avec un sourire qui creusa des fossettes au creux des joues, elle me salua et redescendit. Je la trouvais charmante. Dans mon cerveau farci des idées stendhaliennes, j'arrêtai tout d'abord que je ferais sans tarder une cour assidue à mademoiselle Nine Guéniaud. Puis je m'hâtai de réparer le désordre de ma tenue et je gagnai la salle à manger. Les pensionnaires étaient déjà attablés. Il y avait là un jeune notaire aux époux peints, maître Husson, récemment installé dans son office. Monsieur Huot, le garde général, long, mince, auquel une barbe noire, touffue, des yeux intelligents et tristes, donnait l'air d'un beau ténébreux. Et enfin, le marchand de bois Cache-Denier, un qui d'âme trapu et râblé aux yeux malins, sous des sourcils broussailleux. Avec son front bas couronné d'une calotte de cheveux poivre et sel, ses façons rustaudes, ses joues mal rasées, ses paroles rares, jetées comme de sourds grognements, il avait la mine bourrue d'un sanglier. À la manière dont ces trois commensaux m'examinaient, je devinais que la veuve Guéniaud leur avait déjà parlé de moi, et que ma présence à Saint-Jean-Goux en plein hiver les intriguait. Aussi, pour prendre nettement position, je jugeai à propos de questionner Vertu des Rois, qui nous servait sur le chemin à suivre pour me rendre chez mademoiselle des Encharins. J'ajoutai, en guise d'explication, que j'avais quitté Viotte pour visiter cette parente qu'avait témoigné le désir de me voir, mais que par discrétion, je m'abstenais de m'installer chez elle afin de ne pas déranger ses habitudes de vieille fille. « Mademoiselle des Encharins, dit obligeamment le notaire, demeure aux Écomportes, sur la route d'Apremont. « C'est donc la première fois que vous allez chez votre parente ?» grogna Cache-Denis en me lançant un regard méfiant. Je répondis affirmativement et demandai un supplément de renseignements sur la route à suivre. « Je vais, dit le garde général Huot, justement de ce côté-là, pour une opération de récollement, et si vous le voulez, monsieur, je vous mettrai sur le chemin des Écomportes. » Je m'empressai d'accepter et me félicitai in petto de l'adresse avec laquelle j'avais rompu la glace entre mes commensaux et moi. Immédiatement après le déjeuner, je partis avec M. Huot. Il gelait ferme et le pâle soleil de décembre éclairait d'une lueur rosée les champs glacés de givre. Le garde général n'avait que 5 ans de plus que moi, et entre jeunes gens, la causerie devint bientôt plus intime. Il s'ennuyait ferme à Saint-Jean-Goux. Chemin faisant, il me renseigna sur la vie qu'on menait à l'hôtel et sur le caractère de ses compagnons de table d'hôte. Husson est le type du parfait notaire, bon enfant, serviable et encore de la lune de miel du notariat. Quant à Cache-Denier, c'est un vieux malin, bon tireur, chasseur au plat et chasseur d'affaires. Il a plusieurs cordes à son arc. Il fait le commerce de bois, mais le plus clair de son profit lui vient du trafic des propriétés. Il est marchand de biens, sous le couvert d'un homme de paille. Je l'interrogeai sur les histoires du grand cerf en glissant une allusion à la joliesse de mademoiselle Nine. « Oh » reprit-il, « rien à tenter de ce côté-là. Clémence est une bonne fille qui monte en graine et en a pris son parti. Quant à Nine, c'est une sournoise. Malgré ses airs de prude, elle serait volontiers friande d'amour, mais pour le bon motif. Comme elle est câline, enjôleuse et fort disposée à coqueter, le notaire et moi nous avons essayé de galantiser. Nous en avons été pour nos frais. Au plus beau moment, elle se dérobait avec un coup de griffe et nous nous sommes vite fatigués de lui servir d'amusette. » Ces dernières confidences avaient-elles pour but de me décourager? Je ne sais, mais elles produisirent un effet tout contraire, en stimulant ma fatuité de jeune coquebin et en aiguillonnant mon désir de réussir là où les autres avaient échoué. Nous étions arrivés aux Écomportes et M. Huot me quitta, tandis que je sonnais à lui de ma vieille cousine. Chapitre deuxième. Mademoiselle des Encharins me parut plus troublée que réjouie de ma visite. Comme toutes les vieilles gens, elle avait peur des figures étrangères, et la moindre perturbation apportée dans le train-train routinier de sa somnolente existence la mettait au sang-coup. C'était une mince et antique demoiselle, embéguinée dans un bonnet lorrain, dont les tuyaux ont pesé encadraient un visage pâle comme une hostie. Elle trottinait silencieusement ainsi qu'une souris et parlait bas avec de discrètes intonations de dévote. Elle me reçut courtoisement, mais sans grande effusion, s'informa de la santé de mes parents, s'excusa de ne pouvoir m'offrir l'hospitalité aux écrans-portes, et me demanda avec une nuance d'inquiétude si je comptais séjourner longtemps à Saint-Jean-Goux. Je la rassurai en lui apprenant que j'avais pris pension au grand cerf. Puis, sans toucher mot de la mission qui m'était confiée, je lui dis que j'avais une question d'intérêt à régler avec M. de Nonsard. « Monsieur de Nonsard est mon voisin de campagne, » murmura-t-elle. « Il demeure près d'ici, à la Louvière, et vient souvent faire un sang de pique avec moi. C'est un homme bien né et bien pensant, encore qu'il a un peu trop vécu dans le siècle. » Je saisis la balle au bon et lui demandai un mot d'introduction pour son voisin, ce qu'elle m'accorda après beaucoup de cérémonies. La rédaction de la lettre de recommandation fut toute une affaire. Elle me la remit enfin et ajouta « Je ne vous retiens pas pour ce soir. Mon souper serait trop frugal pour votre appétit de 20 ans. Mais si vous voulez venir dîner dimanche à midi, vous serez le bien reçu. » Je lui promis une visite dominicale et pris congé. Comme je sortais des écomportes, je réfléchis que M. de Nonsard demeurant dans le voisinage, je ménagerai mes pas en faisant d'une pierre deux coups. Un passant m'indiqua ma route et je me dirigeai allègrement vers la Louvière. Au bout d'un quart d'heure, un chemin aux ornières durcies par le gel me conduisit à une porte charretière large ouverte sur une cour bordée de tas de fumier et où picoraient quelques poules. Au fond, la gentilhommière de M. de Nonsard dressait sa façade jaunâtre, flanquée de deux tourelles en étain noir. Personne dans la cour pour m'annoncer. Mais au bruit de mon pas sur le pavé défoncé, toute la poulaille s'enfuit en gloussant et deux énormes chiens de berger s'avancèrent en aboyant furieusement. Attirée par le vacarme, une servante d'une trentaine d'années, haute en couleur, robuste, bien découplée, renvoya les chiens à la niche et cria « Par ici, monsieur, qu'est-il pour votre service ?» Je demandai M. de Nonsard et la servante m'introduisit dans la cuisine où le maître du logis fumait sa pipe au coin du feu. À mon approche, il se leva et je vis un homme entre deux âges, sec comme un cotret, aux cheveux roux et rares, aux joues couperosées. Une redingote verdâtre l'allongeait démesurément. Je lui remis la lettre de Mademoiselle des Encharins. Dès qu'il l'eut parcourue, il me pria de passer dans son cabinet et me fit pénétrer dans une étroite pièce sans feu, encombrée de paperasses et d'instruments de jardinage. La porte, une fois fermée, il me dit d'une voix aigrelette « Asseyez-vous, monsieur, et veuillez m'expliquer ce qui me vaut l'avantage de votre visite. » J'entrai immédiatement en matière et lui exposai que Maître Boblique, mon patron, ayant appris que les bois de la Louvière allaient être mis en adjudication, lui proposait au nom d'un de ses clients une vente à l'amiable, moyennant 40 000 francs. Le prix, ajoutai-je, serait payé comptant, et vous n'auriez pas le souci de subir les risques toujours aléatoires d'une vente aux enchères ou de vous soumettre aux exigences mauvaises de marchands de biens. Monsieur de Nonsard réfléchit pendant quelques minutes avec les mouvements maxillaires d'un ruminant qui triture son foin, puis répondit « L'offre est convenable et le paiement comptant me va. » Alors je puis écrire à mon patron que l'affaire est conclue. Mais M. de Nonsard était un de ces caractères méticuleux et tatillons qui ne se décident pas du premier coup. « Minute, » reprit-il, « la chose est d'importance et vaut qu'on l'examine mûrement. J'ai besoin d'y songer à tête reposée. Repassez dans 8 jours et je vous donnerai une réponse ferme. »« Soit, » répliquai-je, « mais en ce cas, je compte sur votre discrétion, monsieur. » Il est d'ailleurs de votre intérêt, comme du nôtre, que les propositions de Maître Boblique ne soient point divulguées. » Le gentilhomme campagnard eut un geste très digne. « Jeune homme, » affirma-t-il avec son haut-le-corps, « je vous donne ma parole que je n'en soufflerai mot à âme qui vive, et la parole d'un Nonsard est sacrée. » Nous nous quittâmes là-dessus, et je m'en revins à Saint-Jean-Goux, assez content de l'adresse avec laquelle j'avais mené l'affaire. Maintenant, j'avais 8 jours de loisirs et je réfléchis que je ne pouvais mieux les employer qu'en flirtant avec Nine. En décembre, la nuit vient vite et quand je sortis de la Louvière, le ciel fourmillait d'étoiles. Le froid très vif agissait sur moi comme un stimulant et la scintillation des astres, la beauté de cette nuit d'hiver, exerçait une amoureuse influence sur mon cerveau. Je regardais la constellation du Bouvier qui brillait à ma gauche. Son éclat me rappelait les câlins yeux noirs de Nine et aussi les confidences du garde général. Je suis enchanté, songeai-je, que les jolies hôtelières se soient montrées jusqu'à présent insensibles. Je n'en aurais que plus de mérite à triompher. Comme Julien Sorel, je me disais, elle sera moi ou je ne serai qu'un lâche. Et je traçais déjà, d'après les romans que j'avais lus, un programme de séduction que je me jurais d'exécuter point par point. Dès le lendemain, je commençais les travaux d'approche. Je passais mon après-midi en forêt. J'en revins avec une énorme gerbe de plantes vertes. Houx aux fruits rouges, gui en perlé de baies blanches, clématite en panaché de houppes cotonneuses. Cela formait un sauvage bouquet d'hiver et je l'offris au retour à Nine. Elle parut flattée, ce qui m'encouragea à redoubler d'attention. Je n'avais plus de regard que pour elle. J'étais si affairé à lui faire la cour que mon galant manège réjouissait tout l'entourage. Mes commensaux s'en divertissaient, mais je n'en avais cure et n'en continuais pas moins de pousser ma pointe intrépidement. J'employais surtout mes soirées où je pouvais jouir librement du tête-à-tête. Après le dîner, les pensionnaires regagnaient leurs logis respectifs. Je restais seul devant la cheminée de la cuisine, entière avec la mère Guignot à demi ensommeillée, et Nine qui me tenait compagnie, tandis que Vertu des Rois allait et venait à travers l'auberge. Oh, les délicieuses veillées! Un soir, nous jouions au domino, Nine et moi, près de l'âtre, où un cri-cri chantait derrière l'attaque. La veuve, bercée par le grelot monotone du grillon, s'était doucement assoupie. Clémence tracassait dans les chambres du premier étage, et nous nous trouvions quasi seuls dans la grande pièce, uniquement éclairée par une lampe à bec suspendue au manteau de la cheminée, économe de le pays, une âme damnée. Nos genoux se touchaient presque sous la petite table de jeu qui nous séparait. Grisé par les yeux câlins de Nine, je résolus d'être audacieux. Au moment où nos doigts se rencontraient en secouant les dés, je saisis l'une des mains de la jeune fille et je la baisai passionnément. Elle resta un moment immobile, puis brusquement elle retira sa main, demeurée prisonnière sous mes lèvres. Ses longs cils noirs s'abaissèrent sévèrement sur ses yeux. Ses joues à fossettes s'empourprèrent et d'une voix émue qu'elle s'efforçait de rendre courroucée. « Monsieur, dit-elle, prenez vos dominos et jouons. » J'obéis gauchement. J'avais tout à fait perdu mon aplomb de séducteur. Tous deux, aussi effrayés l'un que l'autre, n'osant plus lever les yeux, nous achevâmes la partie dans un solennel silence, tandis que le cri-cri murmurait discrètement derrière l'âtre et que Clémence, Vertu des Rois, apparaissait au haut de l'escalier. Le lendemain matin, Nine ne se montra pas, mais Vertu des Rois, qui me servait mon café dans la salle à manger, profita de ce que nous étions seuls pour me menacer du doigt. « Vous, dit-elle, vous faites la cour à ma petite sœur ?» Je baissai le nez sur ma tasse et gardai le silence. « À quoi ça vous mènera-t-il » continua-t-elle. « Nine est une honnête fille. Avez-vous l'intention de l'épouser ?» Je n'avais pas prévu cet interrogatoire dans mon programme, et je bredouillais des mots embarrassés. Elle haussa les épaules. « Vous voyez, conclut-elle, vous voilà penaud comme une poule qui avait le putois et vous ne savez quoi répondre. Tenez-vous tranquille, vous perdez votre temps, mon bel ami. » Là-dessus, tournant les talons, elle me laissa tout navré et déconcerté de m'être montré un aussi piteux disciple de Stendhal. Chapitre 3e. La huitaine de réflexions exigées par M. de Nonsard étant expirée, je m'empressai de retourner à la Louvière afin de connaître la décision définitive du vendeur. Je trouvai mon homme dans sa cuisine, occupé à boucler ses guêtres afin d'aller chasser en forêt. « Mes compliments, mon camarade, dit-il en endossant sa carnassière. Je vois que vous êtes ponctuel. Tout bien pesé, j'accepte les propositions de Maître Boblig, et vous pouvez lui en donner la nouvelle. Mais les paroles sont du cuivre, les écrits seuls sont de l'or. Mandez donc à votre patron que je le prie de me confirmer par une lettre les offres que vous m'avez faites en son nom. Sitôt après avoir reçu sa réponse, je lui adresserai une promesse de vente et l'affaire sera bâclée. » Je le quittai tout heureux d'avoir réussi dans ma mission et me hâtai de rentrer à Saint-Jean-Goux pour informer immédiatement Maître Boblig des dernières intentions du gentilhomme campagnard. Au moment où je sortais de la Louvière, j'aperçus à 100 pas mon commensal Cache-Denier qui traversait la prairie, le fusil sous le bras, et se dirigeait en droite ligne vers la lisière du bois. Je ne me souciais nullement qu'il sût mes relations avec M. de Nonsard. Pour éviter de le rencontrer, je me rejetais vivement derrière les arbres de l'avenue. Ce mouvement de recul était peut-être déjà tardif. Dans tous les cas, le chasseur ne pouvait pas se douter de ma présence. Il s'arrêta un instant à 10 mètres de l'avenue, franchit le fossé, et continua de gravir lentement la pente douce qui menait vers la forêt. Quand, le même soir, il prit place au dîner de la table d'hôte, j'étais néanmoins un peu inquiet et je craignais qu'il ne me questionnât. Mais je fus rassuré par son air indifférent. Il s'assit, déplia sa serviette, avala sa pitance silencieusement comme d'habitude. Ce ne fut qu'après le rôti qu'il s'avisa de sortir de sa taciturnité. « À propos, messieurs, commença-t-il en s'adressant au garde général et au notaire, j'ai tué un chevreuil la semaine passée. Il est en train de mariner, et j'ai prévenu Madame Guéniaud que demain, la table d'hôte se tiendrait chez moi. Je compte sur vous, naturellement, et si Monsieur Lachapelle veut bien vous accompagner, il me fera grand plaisir. » Ravi qu'il ne m'eût point remarqué dans l'allée de la Louvière, je me hâtai d'accepter en le remerciant de son amabilité. « Vous savez, ajouta-t-il, je vous recevrai à la bonne franquette. Un vrai dîner de chasseur, rien que de la venaison. Mais ma cave est excellente. J'ai quelques bouteilles de derrière les fagots, et nous tâcherons de ne pas nous ennuyer. » Le lendemain, au coup de 7 heures, je parachevais ma toilette. Nine renouait gentiment ma cravate et je m'acheminais vers le logis de M. Cachedenier, qui demeurait à quelques pas de l'hôtel, à l'angle de la place et de la route de Verdun. La table tenait toute la longueur d'une salle à manger lambrissée, au fond de laquelle un poêle de faïence ronflait hospitalièrement, tandis que sur une étagère, de nombreuses bouteilles poudreuses étaient rangées en bon ordre. Quand j'arrivais, je trouvais les convives déjà réunis dans une pièce voisine. Cachedenier avait invité tout le dessus du panier de Saint-Jean-Goux. Indépendamment de mes deux commensaux, il y avait là le juge de paix et son greffier, le percepteur, le receveur des domaines et deux notables gentilshommes du cru, farouches chasseurs à la barbe touffue, à la trogne enluminée, répondant au nom de messieurs de Parfondval et de Bellefontaine. On annonça que le dîner était servi et nous nous attablâmes dans la salle à manger. Ainsi que l'amphitryon nous en avait prévenu, le menu n'était composé que de gibier de poil ou de plume, salmi de canard sauvage, daube de sanglier, cuisseau de chevreuil, pâté de lièvre. Les dîneurs étaient tous gens bien entendus, d'appétit robuste et d'humeur gaillarde. Bientôt les langues se délièrent sous l'influence de toutes les viandes échauffantes, arrosées par les vins de crus variés et tous capiteux. Il y avait surtout un petit clairet d'inor, couleur pelure d'oignon, limpide et parfumé, qui se laissait boire comme du lait et auquel, dès le début, je fis largement honneur. Au milieu de ces campagnards aux façons joviales, aux verbes bruyants, je me sentis tout à fait à l'aise. Mis en verve par quelques lampées de léger vin de l'Argonne, je résolus de me montrer à la hauteur et de payer mon écho en spirituels propos. Je lançai coup sur coup 3 ou 4 histoires plaisantes qui eurent du succès et qui m'enhardirent. Je devenais bruyant à mon tour, je me grisais de mes propres paroles encore plus que des rasades conversaient dans mon verre. « Méfiez-vous du vin d'Inor, » me murmura le garde général Huot, « il est traître. »« Bois, » répondis-je, « je suis d'un pays vignoble et j'ai la tête solide. » Quand apparut le cuisseau de chevreuil, rôti à point et exhalant une appétissante odeur de marinade, on servit du Bourgogne et tous les convives, levant leur verre, portèrent la santé de leur chasseur, notre hôte. « Cachedenier, » proclama M. de Parfondval, « est le premier fusil du canton. »« Nenny, » répliqua modestement le marchand de bois, « il y en a un qui me dame le pion, c'est M. de Nonsard. » « Au fait, » observa M. de Bellefontaine, « comment n'est-il pas des nôtres ?»« Je l'ai invité, mais il a décliné mon invitation. »« Ce pauvre Nonsard a en ce moment d'autres chiens fouettés. » Ses créanciers s'impatientent et il va être forcé de vendre ses bois de la Louvière. « Hé hé !» articula le greffier. « Ce sera un gros morceau. Mais il est probable qu'on lotira les immeubles et qu'on procédera par adjudication. Les amateurs ne manqueront pas. »« Parbleu !» répliqua Parfondval. « Le triage des hauts bâtis m'irait comme un gant. Et moi, confessa Bellefontaine, si la gorge au pommier m'était adjugée, je m'en lécherais les doigts. » En entendant nommer M. de Nonsard, j'avais dressé l'oreille. Les convoitises de ces bourgeois qui déjà en imagination dépeçaient les bois de la Louvière me parurent absolument grotesques, et je ne pus résister à la tentation de les mystifier. « Bon appétit, messieurs » criai-je avec un rire gouailleur, « mais vous courez grand risque de ne pas contenter votre faim. Hein » s'exclama-t-on, de 2 ou 3 côtés à la fois. « Entendez-vous ce jeune marcassin ?» Messieurs, remarqua le juge de paix, le jeune homme a du nez, et les marchands de biens sont gens à vous couper l'herbe sous le pied. Je l'interrompis sans vergogne pour affirmer crânement. Les marchands de biens, ils peuvent se fouiller. Je n'eus pas plutôt lâché ces mots que je les regrettais. Mais la langue me démangeait. Je ne pouvais plus m'arrêter. Et d'ailleurs, je me disais vaguement que l'affaire étant dans le sac, je n'avais plus rien à craindre. À travers ma griserie, je remarquais que M. Cache-Denier me dévisageait avec une persistance singulière. « Mon petit, s'écria-t-il de son ton de pince sans rire, qu'en savez-vous? Croyez-moi, contentez-vous de faire les yeux doux à Mademoiselle Nine Guignot, et ne vous occupez pas de choses auxquelles vous n'entendez rien. Il ne faut pas courir deux lièvres à la fois. » Ses contradictions et son air narquois ne réussirent qu'à m'allumer davantage. « Je les ai courus pourtant, » repartis-je en me redressant comme un jeune coq, « et je les ai pris tous deux, ne vous en déplaise. » Je parle à bon escient, et à l'heure qu'il est, Maître Boblique, mon patron, est en train de minuter l'acte de vente des bois de la Louvière. Nous offrons 40 000 francs et M. de Nonsard a trop de jugeotes pour ne pas les accepter. Je sais ce que je dis. J'ai été chargé de mener l'affaire et je l'ai bien menée, mes gentils hommes. Elle est cuite et les marchands de biens ne la mangeront pas. Il y eut un formidable brouhaha autour de la table, tandis que je lampais fièrement mon Bourgogne. Il est tout de même étonnant, le petit, criait-on. Il en a un toupet. Mais ce Cache-Denier apaisa le tumulte en empoignant une bouteille de champagne dont il fit lestement sauter le bouchon. « Messieurs, dit-il froidement, nous ne sommes pas ici pour nous ennuyer, buvons !» Les verres furent remplis à la ronde. « Oui, messieurs, approuva M. de Parfondal d'une voix de fanfare, et il entonna la chanson de la reine Anne. « Buvons en coup, buvons en deux, à la santé des amoureux !»« Bravo, repris-je, chacun la sienne !» Je vais vous en chanter une qui vient de Paris en droite ligne. Je me levai, légèrement chancelant déjà, et commençai sur l'air de Valentin, alors très en vogue à cause du succès récent de la pièce de Diane de Lys. Je suis pris par une femme, cheveux blonds et teint de lait, aussi fait-elle à mon âme autant de mal qu'il lui plaît. Valentin, berce, berce, Valentin, berce-nous du vin tout plein. Comme je prononçais ces derniers mots, je retombai lourdement sur ma chaise. Tout flottait autour de moi. Il me semblait que les convives devenaient confus. Je ne distinguais plus que leurs larges bouches grimaçant des rires. Une sueur froide perlait sur mes tempes et j'éprouvais un grand mal de cœur. « Êtes-vous indisposé ? » me demanda le garde général Huot en me voyant pâlir. « Un peu, balbutiai-je, je crois que j'ai besoin de prendre l'air. » Il m'entraîna dehors et quand nous fûmes sur le seuil de la porte, tout à coup la place, les maisons et l'église dansèrent autour de moi. « Tout chavire !» bégayai-je étourdi, en me cramponnant au bras de mon compagnon. Il me reconduisit charitablement chez moi, et bien que l'auberge fût très proche, il eut grand-peine à me maintenir d'aplomb jusque-là. « Ce n'est rien !» murmurai-je avec une ténacité d'ivrogne. « Les gens flageolent, mais la tête est solide !» Ma seule peur était de rencontrer Nine et Clémence en rentrant. Heureusement, toute la maisonnée reposait déjà. Seule une petite servante sommeillait au coin de la cheminée. Le garde général me hissa jusqu'à ma chambre et manifesta l'intention de réveiller mes hôtesses pour qu'on me préparât une tasse de thé. « Gardez-vous-en » protestai-je, « je n'ai besoin de rien. » Il eut cependant pitié de moi et m'aida à me déchausser. Dès qu'il m'eut quitté, je me jetai en travers du lit et je m'endormis comme une brute. Chapitre 4e. Je me réveillai le lendemain, migraineux, la bouche pâteuse, l'estomac barrouillé et les membres courbattus. En me tâtant, je m'aperçus que je m'étais endormi tout habillé. Cela fit poindre un peu de lucidité dans mon cerveau engourdi, et j'eus une vague conscience de mon ivresse de la veille. Je me souvenais d'avoir dîné chez Cache-Denier, mais les incidents du dîner se brouillaient dans ma mémoire oblitérée. Comment me retrouvais-je demi-vêtu en travers de mon lit et depuis combien de temps? À ce moment, on frappa à la porte de ma chambre et je vis apparaître Clémence. À 16 heures à la fois goguenard et scandalisé, je devinai qu'il avait dû se passer quelque chose de grave. « Ah, voilà enfin réveillé !» murmura-t-elle. « Ce n'est pas malheureux. »« Est-ce qu'il est tard ?» balbutiai-je en écarquillant les yeux. « Tard, je le croirais. Le soleil va se coucher. N'êtes-vous pas honteux, monsieur Urbain ? Un jeune homme bien élevé, se mettre dans un état pareil. Dans quel état? Que s'est-il passé? Je ne me rappelais plus de rien. Eh bien, puisqu'il faut vous rafraîchir la mémoire, Vous vous êtes grisé au dîner des chasseurs et vous ne pouviez quasiment plus vous tenir sur vos jambes quand Monsieur Huot vous a ramené chez vous. Voilà. Ah, mon Dieu ! M'écriai-je d'un ton lamentable. Est-ce possible ? Vos pensionnaires ont dû faire de moi ce matin de belles gorges chaudes. Non. Monsieur Cache-Denier n'est pas venu déjeuner et les autres messieurs ont été très discrets. Alors, comment savez-vous ? Pardine, ce n'est pas malin. Votre belle équipée a eu pour témoin tous les invités du marchand de bois. Et maintenant l'histoire court la ville. Ah, je suis déshonoré, bégayai-je piteusement. Je n'oserais plus me montrer. Et mademoiselle Nine, que va-t-elle penser de moi? Nine ne me fait pas assez confidence, mais elle doit penser comme moi, qu'un jeune homme qui laisse sa raison au fond des bouteilles n'est pas un garçon sérieux. Je suppose que vous ne vous souciez pas de descendre ce soir à la table d'hôte. Oh Dieu, non, je n'ai pas faim. En ce cas, je vais vous monter du thé. Vous en boirez deux ou trois tasses, ça vous remettra l'estomac. » Elle disparut, et un quart d'heure après, la petite bonne m'apporta une théière fumante que je vidais presque entièrement, car je souffrais d'une soif saharienne. Les reproches de Clémence m'avaient déjà brutalement clarifié les idées. Le thé acheva de dissiper les dernières fumées de l'ivresse, et je recouvrais peu à peu ma lucidité. J'eus alors conscience de mon humiliante conduite de la veille et de ma misérable situation du lendemain. Quelle déchéance, quelle honte pour un disciple de Stendhal. J'avais donné à tous ces notables de Saint-Jean-Goux un bel exemple de tenue, de sang-froid et d'énergie. J'étais à cette heure la risée du bourg. Sans compter que mon cerveau, maintenant tout à fait nettoyé, renaissait douloureusement la mémoire de toutes les sottises que j'avais débitées au dîner, et surtout de l'indiscrétion déplorable que j'avais commise en révélant à toute la table le secret de mes pourparlers avec M. de Nonsard. Heureusement, pensais-je pour me rassurer, heureusement qu'à cette heure les paroles sont données et qu'il n'y a plus à y revenir. N'importe, j'ai bavardé comme un sot, j'ai joué un rôle dégoûtant. Mais ce dégoût de moi-même n'était rien encore auprès des répugnances que je devais inspirer à Nine Guignot. J'étais convaincu qu'elle me méprisait désormais profondément et qu'elle m'avait chassé de son cœur. Le sentiment de mon indignité et de mon amoindrissement me tint cruellement éveillé pendant une partie de la nuit. La fatigue réussit enfin à m'assoupir et je bénis ce sommeil libérateur. J'aurais voulu dormir pendant des journées entières, afin de n'avoir plus le tourment de pensée. Au déjeuner, je persistais à me claquemurer et quand Clémence vint prendre de mes nouvelles, je la priai de me servir dans ma chambre, car je ne me souciais pas de me montrer à la table d'hôte. Elle se moqua de moi. « Vous avez tort. C'est reculer pour mieux sauter. Il faudra toujours que vous descendiez un jour ou l'autre. » D'ailleurs, M. Cache-Denier est absent, et ces messieurs sont trop bien élevés pour vous parler de votre mésaventure. Vous oubliez que nous sommes à la veille de Noël. Ne voulez-vous pas ce soir réveillonner avec nous? Non, non, protestai-je, j'en ai assez des soupers de fête, et je me suis juré de ne boire que de l'eau. Néanmoins, quand la soirée s'avança, j'eus tout de même le cœur gros en entendant en bas les apprêts du réveillon et les rires des convives. Ces bruits de fête se prolongèrent longtemps dans la nuit. Tout en boudant contre mon ventre, je songeais que Nine était de la partie. Je me la représentais assise entre le notaire et le garde général. Des épines de jalousie m'entraient dans la poitrine et j'étais affreusement malheureux. Ce fut bien pire le lendemain quand le facteur m'apporta une lettre de maître Boblick. « Vous vous êtes laissé complètement berner, » m'écrivait-il rageusement. « Pendant que vous me lauriez du prétendu succès de vos négociations, un plus habile que vous nous coupait l'herbe sous les pieds. » Je reçois l'instant un billet par lequel M. de Nonsard s'excuse et m'annonce qu'il a traité pour 42 000 francs avec un marchand de bois du nom de Cache-Denier. Votre séjour à Saint-Jean-Goux n'a plus de raison d'être. Revenez vite à l'étude, non pour y recevoir mes compliments, mais pour m'expliquer votre échec. Ça, c'était le comble. C'était le juste châtiment de mes indiscrétions inter pocula. Avais-je été assez roulé par ces malins de campagnards? Joué sous jambe par Cache-Denier? Méprisé par Nine, devenu la risée du bourg, je n'avais plus qu'à disparaître, et je résolus de partir ce jour même de Noël. Je priai Mme Guignot de m'envoyer ma note et d'arrêter ma place au courrier de 3 heures. Atrocement mortifié et déprimé, je procédai à la confection de ma valise et touchai à peine au déjeuner. Quand mes bagages furent bouclés, je m'assis au coin d'un feu mourant, le front appuyé à la cheminée, et j'attendis piteusement l'heure du départ. J'étais désemparé, fiévreux, énervé. Je songeais à Nine que je ne reverrais plus, et des larmes de dépit m'humectaient les yeux à la pensée qu'elle ne se souviendrait de moi qu'avec une moquerie aux lèvres. Le dégel était survenu pendant la nuit et la pluie pleurait aux vitres, en même temps que dans l'air humide, les cloches de l'église voisine sonnaient pour les vêpres. Tout à coup, ma porte s'entrebâilla et Nine, rougissante, les yeux baissés, se glissa dans la chambre en désordre. « Pardon, monsieur Urbain, murmura-t-elle, j'ai appris que vous partiez ce tantôt et j'ai profité de ce que ma mère et ma sœur sont aux vêpres pour vous dire adieu. » J'eus un sursaut de saisissement et la joue en feu, je bégayai. « Vous, mademoiselle Nine, c'est vous? Je ne vous fais pas honte et vous ne me méprisez pas. Pourquoi vous mépriserais-je? Parce que ces imbéciles de la table d'hôte ont abusé de votre faiblesse pour vous griser? Ce sont de grossiers personnages et je les déteste. » Elle se tenait en face de moi, accoudée au manteau de la cheminée et me regardait doucement entre ses cils mi-clos. Cette marque de sympathie qu'elle me donnait, et d'une façon si imprévue, me touchait profondément. Oh, je n'avais plus rien derrière de Stendhal, je vous le jure. Je me laissais aller à ma sensibilité native. Mon cœur se fondait. Je me disais que l'heure du départ était proche et que nous ne nous retrouverions probablement jamais plus. Elle avait sans doute la même pensée, car ses beaux yeux de velours noir prenaient une expression plus calme et plus tendre. « Oh, Nine, m'écriai-je, vous avez donc un peu d'affection pour moi ?»« Oui, avoua-t-elle très bas. Tous les autres me révoltaient avec leur manière effrontée de me faire la cour, comme s'ils n'avaient qu'à se montrer pour être acceptés. Vous, au contraire, vous étiez si réservé et délicat. Tout de suite, j'ai prouvé grand plaisir en votre société. Je sais bien que vous ne serez jamais pour moi et que je ne devrais pas vous dire ces choses-là, mais vous allez partir. Moi-même, je quitterai bientôt Saint-Jean-Goux pour vivre chez une tante qui habite le Midi. Nous ne nous reverrons plus. Alors je puis bien vous confesser mon amitié. Nine, vous êtes adorablement bonne. Voulez-vous me permettre de vous embrasser ? Une nuance rosée lui colora le visage et, avec un malicieux sourire qui accentuait ses mignonnes fossettes, elle répliqua. « Soit, maintenant cela n'a plus d'inconvénient. » Nos têtes se rapprochèrent, je baisai dévotement ses câlins yeux noirs et soudain, je sentis ses lèvres se poser sur ma joue et son baiser était suave comme le frôlement d'une fleur mouillée. Nous fûmes interrompus par des claquements de fouet à la porte de l'auberge et par la petite bonne qui venait chercher mes bagages. Le courrier m'attendait. Nine m'accompagna jusqu'à la voiture. « Adieu, Nine, » balbutiai-je en lui serrant les mains. « Adieu. » Le courrier partit avec un bruit de sonnaille, tandis que les cloches tintaient pour la fin des vêpres. Peu à peu, les carillons de Noël s'éteignirent dans le brouillard de la route et je m'enfonçais sous la capote ruisselante. Je ne suis jamais retourné à Saint-Jean-Goux et je n'ai plus jamais entendu parler de mon hôtesse aux yeux noirs. Les peines et les hontes de ma mésaventure au dîner des chasseurs se sont depuis longtemps évanouies. Mais à travers les années, l'envolée des cloches de Noël réveille toujours en mon cœur ce lointain souvenir d'amour et les délices du premier baiser de jeune fille dont j'ai savouré la caresse ingénue. Ainsi s'achève Nine par André Theuriet.